de la petite fourragère dans son tas. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 22 mars, nous souhaitons une bonne fête au Léa. Ça vient de l'hébreu, gazelle, vache, sauvage ou fatiguée. Bon, on va prendre plutôt fatiguée, c'est un petit peu mieux. Émotivité, sensibilité, intuition, réceptivité, charme et sensualité, voilà l'éternel féminin dans toute sa splendeur. En outre, les Léas ne sont pas dépourvues de charme et de séduction. Bien que pouvant apparaître superficielle et légère, elles sont idéalistes, parfois même utopistes, et cherchent à trouver un sens à leur vie pour se sentir exister pleinement. C'est pourquoi elles s'orienteront vers différentes voies au travers de groupes sociaux à vision humaniste, politique, artistique, spiritualiste ou idéologique. Si elles ne trouvent pas leur chemin ainsi, elles pourront être tentées de vivre leur idéal au travers d'une riche vie fantasmatique de chimères ou se tourneront vers des paradis artificiels. Il est vrai qu'elles ont un intense besoin d'émotions et d'expériences nouvelles et ne se satisfont guère d'une existence routinière. Fantaisiste et bohème, la vie doit être une représentation théâtrale pour être digne d'être vécue. Voilà pourquoi elles sont souvent déçues, à la merci de déséquilibres intérieurs. Elles sont beaucoup plus faites pour le bonheur, la vie facile, que pour les difficultés. Elles ont une intelligence vive, un esprit d'à-propos, souvent teinté d'humour, et apprécient les joutes oratoires dans lesquelles elles excellent. Dicton du jour, le vent de la Sainte Léa, les trois quarts de l'année, couvrira. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, instaurée par l'ONU, et à Porto Rico c'est la journée de l'abolition de l'esclavage. Et dans les événements qui se sont déroulés un 22 mars, en 1946, la Jordanie obtenait de Londres son indépendance. En 1963, Please Please Me devenait le premier succès numéro 1 des Beatles en Grande-Bretagne. Et en 1993 avait lieu pour la première fois la journée mondiale de l'eau. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Placebo et leur titre Protège-moi. Pensées qui glacent la raison, paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit. On ouvre le loquet de la grille, du tout dit qu'on appelle maison. Protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me. So Protège-moi, placebo sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 22 mars 1931, naissance de William Shatner, acteur canadien connu pour ses rôles à la télévision, tout d'abord dans la série Star Trek dans le rôle du capitaine James T. Kirk, ainsi que dans la série Hooker hein, dans le rôle du détective sergent Thomas Jefferson Hooker, vu également dans la série Boston Justice, vu au cinéma dans les différents Star Trek, hein, toujours dans le rôle du capitaine Kirk, vu également dans Alarme Fatale ou encore Dodgeball, même pas mal. 1935, naissance de M. Emmett Walsh, acteur américain, vu en 1971 dans Les Évadés de la Planète des Singes, ensuite dans Blade Runner, Sauver Willy 2 dans le rôle de Bill Wilcox, dans Roméo et Juliette dans le rôle du pharmacien ou encore Wild Wild West dans le rôle de Coleman. 1948, naissance d'Andrew Lloyd Webber, compositeur britannique de comédie musicale connu dans le monde entier pour ses succès, notamment Cats ou encore Le Fantôme de l'Opéra. 1949, naissance de Fanny Ardant, actrice française, vue entre autres hein, dans Les Uns et les Autres, La Femme d'à côté, Pédale douce, récompensée par le César de la meilleure actrice ou encore Huit Femmes. C'est également l'année de naissance de Jean-Michel Aulas, homme d'affaires français, président du club de foot de l'Olympique Lyonnais depuis 1987. 1955, naissance de Lena Olin, actrice suédoise connue pour être apparue dans 27 épisodes de la série télé Alias dans le rôle d'Irina Derevko. 1959, naissance de Matthew Modine, acteur américain vu dans Birdie dans le rôle de Birdie, Full Metal Jacket dans le rôle de Prevent Joker, Le Transporteur 2 dans le rôle de Monsieur Billing, The Dark Knight Rises dans le rôle de Foley ou encore la série télé Stranger Things dans le rôle du docteur Martin Brenner. 1971, naissance de Steve Hewitt, batteur du groupe Placebo entre 1996 et 2007. 1976, naissance de Reese Witherspoon, actrice américaine vue dans Pleasantville, Sex Intention dans le rôle d'Annette Hargrove. D'ailleurs, Sex Intention revient en diffusion aux États-Unis et il me semble que c'est ce soir ou demain. La revanche d'une blonde dans le rôle d'Elle Woods, qu'elle a d'ailleurs repris dans la suite, La Blonde Contre-Attaque, et il pourrait même y avoir un troisième volet prévu pour 2020. Vu aussi dans De l'eau pour les éléphants dans le rôle de Marlena Rosenplus, Mude sur les rivières du Mississippi, apparue dans la série télé Friends et depuis 2017 elle joue dans Big Little Lies le rôle de Madeleine Martha McKenzie. 1978, naissance de DC's, rappeur français. Bon, je vous avoue qu'on le connaissait plutôt sous le nom de This is la peste, et ça a été raccourci. 1981, naissance de Jürgen Melzer, ancien joueur de tennis autrichien, ayant fait carrière de 1999 à 2018 en simple, il a été numéro 8 mondial en 2011, demi-finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. En double, il a été numéro 6 mondial en 2010, il a gagné une fois Wimbledon ainsi qu'une fois l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Roland-Garros. 1988, naissance de Tania Raymond, actrice américaine, vue dans la série télé Malcolm, Lost les disparus durant 19 épisodes dans le rôle d'Alexandra Rousseau, Cold Case affaires classées durant 8 épisodes dans le rôle de Frankie Rafferty, Hawaii 5-0, Chicago Fire ou encore The Last Chip dans le rôle de Valérie Raymond. C'est également l'année de naissance de Geoffrey Soupe, cycliste sur route français, professionnel depuis 2011. Et à noter qu'en 2010, il a été sacré champion de France sur route des moins de 23 ans et vice-champion d'Europe du contre-la-montre, toujours dans cette même catégorie. 1999, naissance de Mike Schumacher, pilote automobile allemand, fils de Michael Schumacher. Et en 2018, il a remporté le championnat d'Europe de Formule 3 et participe cette année au championnat de Formule 2. En 2019, est décédé William Hanna, auteur de dessins animés à succès, dont on peut citer Tom et Jerry. Et en 2006, est décédé Pio Leiva, chanteur cubain, membre du Buena Vista Social Club, qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on va s'écouter This Is avec son titre Hiroshima. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. Ça va, coussi, coussa. J'suis détaché, je m'attache pas. Les liens, tout ça, j'sais pas c'est quoi. Hiro, Hiro, Hiroshima. Hiro, Hiro, Hiroshima. Hiro, Hiro, Hiroshima. Hiro, Hiro. Boum, boum, boum, boum, comme une bombe nucléaire. entre mon père et ma mère. Je suis né en temps de guerre, je voulais pas m'entendre dire putain. La rue m'a eu, pourtant je trouve pas ma place dans ces putains de bahuts. Ira, ira, irradié. La nuit je me cache, je suis fou allié. La vie je nage, je n'ai pas pied. Irradié par mon passé. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. Poto, ça va, coussi, coussa. J'suis détaché, ne t'attache pas. Les liens, tout ça, je sais pas c'est quoi. Hiro, Hiro, Hiro, Shima. Hiro, Hiro, Hiro, Shima. Hiro, Hiro, Hiro, Shima. Hiro, Hiro. J'ai l'amour nucléaire, bébé. Pollué, tu peux pas attraper l'éclair, bébé. Tu vas te brûler, daron, famille, tout ça. Je sais pas comment on fait si jamais tu sais toi. Si tu pouvais montrer, mais tu sais quoi, tu sais, je vais me tromper. Y'a comme un faux vent moi que je sais pas dompter. Donc compte pas sur moi, bébé. Je sais pas compter, j'ai trop de blessures cachées. Un jour, je vais succomber. Ira, ira, irradié. J'm'ennuie, je planche, j'suis fou allié. La vie, je nage, je n'ai pas pied. Irradié par mon passé. Hiro, Hiro, Hiro, Shima. Hiro, Hiro, Hiro, Shima. Hiro, Hiro, Hiro, Shima. Hiro, Hiro. Yeah, yeah. Amputé au milieu d'un cratère. Éloigné, solo, je lance des halos à la terre. Allo, allo, plus de réseau, je suis au milieu d'un cratère. Destin calciné, y'a que des bonhommes en pierre. Pollué, pollué, destin nucléaire. Pollué, pollué, dans le vent d'une mer. Passé, frelaté, irradié, plus de marche arrière. Démembré, amputé au milieu d'un cratère. Et son titre Hiroshima sur le 107 FM. Il est pile 8h44, on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée comme tout ce week-end. Alors pour aujourd'hui, des températures comprises entre 1 et 2 degrés ce matin, entre 15 et 17 degrés prévus pour cet après-midi. Samedi, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés pour samedi après-midi. Et dimanche, quelques nuages pourront venir perturber cette journée ensoleillée qui nous attend. Mais bon, rien de bien dramatique. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés dimanche matin et entre 13 et 15 degrés prévu pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un petit peu de sport, enfin en tout cas l'actualité. Les résultats sportifs. Allez, on va commencer avec du tennis et le tournoi de Miami. Bon, bah, c'était pas joli joli pour nos Français hier, puisque Benoît Paire s'est incliné en 3-7 face à Lopez, 7-5, 4-6 et 6-4. Herbert s'est incliné en 2-7 face à Krajinovic, 6-4, 6-4. Humbert s'est incliné en 3-7 face à McDonald, 6-4, 6-7, 7-6. Jérémy Chardy, lui, s'est imposé en 3-7 face à Jarry, 6-7, 6-2, 7-6. Manarino s'est qualifié en 3-7 face à Bédéné, 4-6, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Jérémy Chardy et Gilles Simon. Gaël Monfils affrontera Azeu. Lucas Pouille sera opposé à Ramos Vinolas. Il y aura également les matchs de Novak Djokovic, Kei Nishikori, John Isner ou encore Dominique Thiem. Côté féminin, notez l'élimination de Kristina Mladenovic en 2-7 face à Wang, 6-3, 6-3. En revanche, qualification pour Alizé Cornet en 3-7 face à Lapko, 7-5, 6-7, 6-1. Et qualification de Caroline Garcia en 2-7 face à Azarenka, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Alizé Cornet Bernier affrontera Buzarnescu et Pauline Parmentier affrontera Mertens. Il y aura également les matchs de Serena Williams, de la numéro 1 mondiale Osaka, de la numéro 2 mondiale Alep ou encore de Sloane Stephens. Côté basket, en NBA, l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum, 2 petits points, 4 rebonds cette nuit, s'est tout de même imposée 113 à 106 face au Minnesota. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 12 points et 11 rebonds s'est incliné face à Atlanta 117 à 114. Du côté de chez nous, en Pro B, dimanche, Nancy jouera à Roanne. En National 1, en play-down ce soir, le Jet Vosges reçoit Centre Fédéral. Et en National 3, samedi, Mirecourt se déplacera à Marne-la-Vallée. Allez, on parle biathlon avec la dernière étape de Coupe du Monde à Oslo. Hier après-midi, c'était le sprint féminin qui a vu la victoire de Kuzmina, qui remporte ainsi le petit globe de la discipline. Anastasia Kuzmina, qui vit ses dernières courses à Oslo, hein, l'a bien confirmé au micro de nos confrères, hein, de la chaîne L'Équipe, qu'elle mettrait bien un terme à sa carrière donc après cette étape à Oslo. Donc c'était le dernier sprint qu'elle remportait. Et elle a remporté ce sprint devant Franziska Preuss et devant Fialkova. A noter la très belle quatrième place de Célia Emonier avec un 10 sur 10 au tir. Et ça a été plus compliqué pour les autres Françaises. 31e place pour Caroline Colombo avec un 9 sur 10. 40e place pour Chloé Chevalier avec un 8 sur 10. 58e place pour Anaïs Bescon avec un 8 sur 10. Elles participeront donc à la poursuite. En revanche, pas de poursuite pour Justine Brezaz qui a terminé 63e avec un 6 sur 10. Et pas de poursuite non plus pour Julia Simon avec un 5 sur 10 qui termine 75e. La grande perdante de ce sprint, c'est l'Italienne Lisa Vitozzi qui était à égalité de points avec sa compatriote, hein, Dorothea Wirer, pour se disputer le gros globe de cristal. Mais avec sa mauvaise performance sur ce sprint, eh bien, elle a sûrement dit adieu au gros globe de cristal puisqu'elle ne participera pas à la poursuite. Elle ne pourra donc pas empocher de points supplémentaires sur cette course. Il lui resterait que la Mastart de dimanche, mais il faudrait une grosse méforme de Dorothea Wirer, donc Dorothea qui devrait sans toute vraisemblance remporter ce gros globe de cristal. Et hier, donc, côté féminin, c'était la distribution des petits globes. Alors, je vous l'ai dit, Anastasia Kuzmina a remporté le petit globe du sprint. Elisa Vitozzi s'est vue remettre le petit globe de l'individuel. Et côté messieurs, aujourd'hui, ce sera le sprint à 16h30 avec pour les dossards. Alors, dossard numéro 2 pour Quentin Fillon-Maillet, le 13 pour Simon Détieu, le 29 pour Antonin Guigona, le 44 pour Émilien Jacquelin. Il sera suivi juste derrière avec le dossard 45 par Simon Fourcade, le dossard 92 pour Fabien Claude. Il faudra attendre, pardon, le tout dernier dossard pour voir partir eh bien, notre dernier Français, Aristide Beck, qui partira donc avec le dossard 113. Vous l'aurez donc compris, il y aura 113 messieurs au départ de ce sprint. Et à noter que Florent Claude partira avec le dossard numéro 22. Samedi, ce seront les poursuites. Dimanche, les Mastarts. On fera donc un point complet lundi sur tous les derniers résultats et sur tous les petits globes et gros globes remportés, en sachant que la Norvège a remporté pas mal de petits globes. Allez, un mot de football avec ce week-end en National 2, Épinal qui se déplace à Croix. En National 3, Rend l'étape qui reçoit Sarreguemines, et Thaon-les-Vosges qui se déplacera pour affronter l'équipe 2 de Troyes. Et côté équipe de France, match ce soir, un qualificatif pour l'Euro 2020. La France se déplace en Moldavie, composition probable pour les Bleus. Lloris, Pavard, Varane, Umtiti qui fait son grand retour, Digne ou Kurzawa, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Coman ou Matuidi, mais il se pourrait quand même qu'on se dirige vers une titularisation pour Coman, et enfin Olivier Giroud. Et d'ailleurs, ce dernier vise un 34e but, hein, en équipe de France. Il égalerait ainsi, j'ai perdu son nom, il égalerait Trezeguet. Comment j'ai pu oublier Trezeguet, voyons. Et donc, affaire à suivre. Et on termine avec du hockey sur glace, avec les playoffs tout d'abord de la Ligue Magnus. Ce soir, le match numéro 5 entre Rouen et Gap. Je vous rappelle que Rouen mène gagne cette demi-finale 3-1. Du côté de chez nous, en Détroit, samedi à la patinoire de Poisson-Près à 18h10, il y aura le match retour entre Épinal et Reims. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul d'un but partout. Ce match sera donc décisif. Et on va parler de l'équipe de France qui connaît un nouveau forfait pour le championnat du monde. Il s'agit de celui de Johan Ovitu qui s'est blessé en novembre dernier et qui malheureusement n'est pas assez remis pour pouvoir disputer le championnat du monde en mai prochain. Gros coup dur pour l'équipe de France encore une fois. Allez, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Buena Vista Social Club et leur titre Chen Chen. Para Mayarí. Le Buena Vista Social Club avec leur titre Chen Chen sur RGM. Il est presque 8h56, c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoire du tatouage avec Alexandre. 13h30, la rediffusion des Secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aimais, je vous le lis. 15h, rediffusion de Jazz Time. 17h30, la rediffusion de Mille et une histoire du tatouage. Et à 21h, ce sera une rediffusion de Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end ensoleillé. Bye bye.